tu vas rester bouche bée. C'est le tonnerre qui va gronder. Perestroïka, perestroïka. Je suis la plume chirurgicale qui laisse bouche bée. Tu réussis pas, c'est mort parce que les prolos veulent grimper. Mon trip c'est d'être blindé, ça je te l'ai dit plein de fois. Renoir le succès, je vais te parchoquer de plein fouet. J'empruntais le chemin des arbres pour faire aboutir mon destin. Mais la noirceur des autres troublera toujours réseau des miens. Tu m'auras dans les pas, fils, ton gâte, mon piste. Ton rap sera brisé par mon disque qu'on fasse rentrer du bifton. Esquive la peine à deux chiffres, grande casse d'aide au D2 de fleurir mes registres. Je t'aurais pas déjà vu quelque part, hier soir en boîte peut-être. Dans une embrouille au placard, non. Prête l'oreille autant des moitiés, car ça me fatigue. On se divise pour du rallye. Crois-moi, frollo, qu'il se rallie pour nous mettre à l'étroit. Parce que l'ennemi d'aujourd'hui est souvent l'ami d'autrefois. Perestroïka, tu percutes pas, bloqué dans la caverne. Tant qu'à faire, laisse-moi déraper mon calvaire. Ne trahis pas la nouvelle triade microphonie. C'est toi, goutte de nitro pour faire sauter ton rappeur. Perestroïka, tu percutes pas, bloqué dans la caverne. Tant qu'à faire, laisse-moi déraper mon calvaire. Ne trahis pas la nouvelle triade microphonie. ETON tandem, 3 étoiles, météo McTayer, McGregor, ETON pour la Perestroïka 2012. C'est normal si on aura. On parle du sang qui gicle la terre avec notre vocabulaire. C'est limite à nique sa mère. Ces tensions me voient pas. J'écris dans un cercueil et dehors sur une branche. Y'a un faucon qui me sert d'œil. J'avance pas sur un radeau de bois. Pourtant je rame au fur et à mesure que les printemps passent. Mes espérances crament. J'ai faim, j'en ai marre de ronger les mêmes os. Marre de ma cage, des mêmes singes et du même zoo. Parfois sur la ligne de nation, porte dauphine. J'ai la rage et pour me calmer, faut un peu de morphine. Ouais, c'est donc sur 21 yotes dans le coco. J'creuse mon trou. 06, je suis dans les locaux. Qu'on me laisse un peu souffler, récupérer mon oxygène. Depuis le clash, je sais que je dérange aussi qu'aux oxygènes. Le DON, conçu pour durer, pour briller dans les barbecues. Disait tout ce que j'étais grillé. Perestroïka, tu percutes pas, bloqué dans la caverne. Tant qu'à faire, laisse-moi déraper mon calvaire. Ne trahis pas la nouvelle triade microphonée. C'est toi, goutte de nitro pour faire sauter ton rappeur. Perestroïka, tu percutes pas, bloqué dans la caverne. Tant qu'à faire, laisse-moi déraper mon calvaire. Ne trahis pas la nouvelle triade microphonée. ETON tandem, 3 étoiles, météo. Dame, faut qu'on tape ta prod, vas-y garde tes métaphores. Si tu veux nous avoir, faut que tu gardes la forme. J'crois qu'on t'a mal informé sur nous. Vu que nous c'est un rap forgé dans la misère et la caillasse. Bref, une vie de fils d'étranger. Nous ce qu'on veut c'est se ranger, sans avoir besoin d'égorger qui que ce soit pour manger. Si ce n'est que les porcs et tous leurs fils de toi. Alors reste tranquille, on est trop speed pour où t'habites. On est trop triste pour ta machine, on est trop vif pour n'être qu'un chiffre. On fait pas de gâchis, on te frappe droit vers ton talon d'Achille. On t'achève pour un cachet à moins que tu chopes l'album ou tu roules ton shit. Et ouais c'est le Caraïbo nucléique. Même pour un petit style free, on joue les style beat dans un champ de mille. Dans ce crash test c'est la compète frelot. Pas besoin de gros bec pour prendre voler dans des matiques. Dans un couplet emblématique mec. C'est la Perestroïka 2012 pour un VMA vocal. Vu qu'on veut plus être dans le bocal. Perestroïka, tu percutes pas, bloqué dans la caverne. Tant qu'à faire, laisse-moi déraper mon calvaire. Ne trahis pas la nouvelle triade microphonée. C'est toi goutte de nitro pour faire sauter ton rappeur. Perestroïka, tu percutes pas, bloqué dans la caverne. Tant qu'à faire, laisse-moi déraper mon calvaire. Ne trahis pas la nouvelle triade microphonée. ETON tandem, 3 étoiles, météo. Perestroïka, tu percutes pas, bloqué dans la caverne. Tant qu'à faire, laisse-moi déraper mon calvaire. Ne trahis pas la nouvelle triade microphonée. C'est toi goutte de nitro pour faire sauter ton rappeur. Perestroïka, tu percutes pas, bloqué dans la caverne. Tant qu'à faire, laisse-moi déraper mon calvaire. Ne trahis pas la nouvelle triade microphonée. ETON tandem, 3 étoiles, météo. Perestroïka, tu percutes pas, bloqué dans la caverne. Tant qu'à faire, laisse-moi déraper mon calvaire. Ne trahis pas la nouvelle triade microphonée. C'est toi goutte de nitro pour faire sauter ton rappeur. Perestroïka, tu percutes pas, bloqué dans la caverne. Tant qu'à faire, laisse-moi te rappeler mon calvaire. Ne trahis pas la nouvelle triade microphonée. ETON tandem, 3 étoiles, météorites. Perestroïka 2012.